regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Si on n'y fait rien, nos gosses vivront pas vieux. Ce monde me rend fou, quand d'autres se rendent sous. Regarde ces mecs dans la rue qui vivent sans un sou. Ce monde me dégoûte, me fait mal au cœur. Regarde ces enfants esclaves qui vivent dans la peur. Ce monde part en couille, le béton et la rouille. Regarde les ghettos d'Amérique ramasser les douilles. Un monde en plein effroi, tu ne sais plus en quoi ils croient. Regarde les terroristes tués au nom de la foi. Regarde toutes les horreurs qui se passent dans ce monde. Regarde ces gens innocents qui crèvent sous les bombes. Regarde ce monde où l'argent trône et c'est net. Regarde cette prostituée prisonnière d'un proxénète. Ce monde est en chute libre, on voit la fin du trou. Regarde tous ces innocents sous numéro d'écrou. Ce putain de monde, ce putain de monde. J'y pense seul dans le noir quand le tonnerre gronde. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Si on y fait rien, nos gosses vivront pas vieux. Regarde ce monde, à quel point on est arrivé. En fait, ça a pas changé, mais continuez. Ça fait bien longtemps que ça ne va plus. Depuis bien longtemps, le combat est perdu. Les arbres tombent, la forêt disparaît. L'oxygène s'en va, la pollution vient nous enterrer. Dans la terre qu'on pourrit, sans réfléchir. Je me mets dans le même sac, je veux pas mentir. Que je fais pas attention tous les jours, que j'assiste à la destruction. Même si je suis pas pour, je veux juste m'excuser avec quelques rimes à ce monde qui m'héberge et qui j'abîme. Je suis juste un mouton qui suit le mouvement. Mais il y a une chose à laquelle je pense souvent, que le jour j'y approche et j'ai peur de le vivre. Car ma religion dit que personne va survivre. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Si on n'y fait rien, nos gosses vivront pas vieux. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Regarde ce jeune assassiné pour une histoire de fringues. Un monde qui sent la merde, où les riches s'entraident. Regarde ces peuples affamés que personne n'aide. Ce monde contribue à une perpétuelle violence. Regarde ces enfants martyrs et les pierres qu'ils lancent. Ce putain de monde court droit à sa perte. Tout le monde le sait, mais tout le monde reste inerte. Ce monde est rempli de shaitan, des gens qui pour ta religion veulent te quinte, te détestent, sont jaloux, te souhaitent le pire. Mort de rire quand ils te voient en train de souffrir. Ce monde essaie de m'abattre, mais il m'abattra pas. J'ai mon chemin, mon sens que je poursuivrai. Jusqu'à la fin de mon destin, j'arriverai. Ensuite le paradis, Inch'Allah que j'y serai. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Si on n'y fait rien, nos gosses vivront pas vieux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Si on n'y fait rien, nos gosses vivront pas vieux. Regarde ce monde, essaie d'ouvrir les yeux. C'est sûrement pas demain que tout ira mieux. Regarde ce monde, peuplé de gens envieux. Ce que les hommes ont et ce qu'ils en font, c'est malheureux.